aussi la photo. Voilà, ce qui nous intéresse chez Georgie, c'est de mêler les histoires, les images et les textes. Voilà, de faire un mélange qui est parfois un mélange original et parfois un mélange classique. Alors on a pris plusieurs options chez Georgie qui sont assez, assez radicales. On a choisi de ne pas avoir de diffuseur dès le départ pour se permettre de garder le maximum d'argent sur les livres, pour pouvoir payer les vrais auteurs du livre. Ce qui nous paraissait être les vrais auteurs du livre, c'est-à-dire les libraires et les auteurs. Voilà. Donc on fait le choix depuis 2004 de ne pas prendre de diffuseur, de démarcher les libraires nous-mêmes. Donc on fonctionne avec à peu près 300 librairies, alors avec plus ou moins de réussite sur chaque librairie, mais disons que sur l'ensemble de ces librairies, dans toute la France, y compris la Belgique et la Suisse, on arrive à tenir et à publier suffisamment de livres pour faire d'autres livres. Alors moi j'ai une question à ce propos, puisque quand tu parles de 300 libraires dans la France, ça me semble sans diffuseur, distributeur assez incroyable, donc comment vous vous prenez ? Alors, tout d'abord, on a commencé très simplement par le réseau qui était autour de Saint-Étienne, c'est-à-dire très grandement Lyon, Clermont-Ferrand et tout Saint-Étienne et sa couronne, y compris Rouen, puisqu'il y avait, à l'époque où on a démarré, il y avait déjà une librairie monde dessinée qui n'était pas Nebula Store, mais qui était le Dark Crystal. Ouais. Donc on s'est servi de tous ces réseaux-là, on s'est appuyé sur ces réseaux-là. Ça a été assez simple au départ, mais on s'est vite rendu compte, comme tu dis, que ça ne suffirait pas et qu'il fallait passer le cap des 100-150 librairies. Donc il se trouve que le premier bouquin qu'on a fait, qui s'appelle Comicsland, a été énormément chroniqué, puisque c'est un bouquin qui parlait des collectionneurs de bande dessinée et que c'est un monde quand même qui s'intéresse beaucoup aussi à la bande dessinée. Donc en parlant des collectionneurs de bande dessinée, on les a intéressés à ce qu'on faisait. Et de ce fait-là, plein de librairies nous ont contactés pour avoir les livres. Et on se rend compte que ces librairies-là qui ont fait l'effort en 2004 de venir nous voir et de prendre les bouquins à nos conditions, c'est-à-dire en achat ferme, sont devenus fidèles, sont restés fidèles plutôt. Et du coup, il y a des gens, il y a une librairie au Havre, une librairie à Arles, des librairies un peu partout dans des grosses villes comme ça, qui restent fidèles à Georgie. Et chaque fois qu'on gagne une librairie, bah, c'est un pas de plus vers un peu plus de liberté et d'indépendance. Oui, mais alors ça répond pas à la question qu'il faut quand même avoir un certain professionnalisme et de démarchage, parce que bon, être chroniqué dans des revues, ça se fait pas tout seul. Il y a des envois, j'imagine, du mailing. Je crois que Michel, parmi vous, a un travail qui lui permet peut-être de faire aussi de la diffusion. Si tu pouvais développer, parce que c'est vrai que des jeunes qui débutent, qui feraient même une petite auto-audition, c'est pas gagné d'être distribué, enfin diffusé dans 300 librairies. Tu peux développer ? Oui, bien sûr. Alors la difficulté, la grosse difficulté, c'est de prendre son téléphone, d'appeler les librairies et de leur parler d'un livre qu'ils ne voient pas. Puisque le principe même de la diffusion classique, c'est qu'un commercial place dans chaque librairie, montre des extraits d'un livre et propose aux libraires d'en prendre un certain nombre. Ce qui n'est pas possible pour nous. Il est impossible pour nous de prendre la voiture et d'aller faire le tour de toute la France pour distribuer nos bouquins. Donc on utilise plusieurs systèmes. On a essayé plusieurs choses différentes qui ont plus ou moins bien marché, donc chaque fois on essaie de changer ou d'améliorer le système. Un des premiers systèmes qu'on a trouvé, c'est que comme on fait imprimer nos livres nous-mêmes chez un imprimeur, on lui a demandé de garder des feuilles de passe, de garder des couvertures, et avec ces feuilles de passe et ces couvertures, on a monté ce qu'on appelle un petit dossier de presse qui reprenait des extraits du livre, la couverture, plus un explicatif de qui sont les auteurs, qui est la maison d'édition. On a mis tout ça dans des enveloppes, ça coûte un peu cher, mais finalement moins cher que de prendre un commercial. Et on l'a envoyé à l'ensemble du réseau Canal BD. Donc là, le réseau Canal BD, c'est un très gros réseau. Et ça nous permettait surtout de cibler les libraires indépendants. C'était ça qui nous intéressait. On voulait sortir des chaînes classiques de culturelles, type Fnac, Leclerc et compagnie. Donc en ciblant comme ça, on a eu un taux de retour qui est le taux de retour classique. Quand on fait ce genre de choses, on envoie 200 personnes, on a 10 retours. Mais c'était 10 retours gagnants. Voilà, donc après on a élargi le cercle chaque fois, on a pris les annuaires sur internet et cherché d'autres librairies, contacté d'autres librairies. Et puis les libraires ils se parlent entre eux aussi, ils se racontent des choses, ça leur arrive de se rencontrer ailleurs que. Donc par ce biais-là aussi on a eu des choses. Et puis on se rend compte que dans chaque salon où on va, on rencontre un libraire qui nous dit tiens, je ne vous connais pas, comment ça se fait que je ne vous connais pas ? Donc on lui explique et en général au bout d'un moment il nous connaît. Alors, je crois savoir que les éditions Georgie ont aussi une démarche auprès des bibliothèques, avec des ateliers qui sont en relation d'ailleurs avec la librairie L'Étrange Rendez-vous tenue par Gérard Gérard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est vrai qu'à côté de ce travail d'édition, à côté de ce travail de relations aux auteurs, à côté de ce travail de réflexion autour d'édition, Michel surtout fait un travail auprès des écoles, des collèges, des lycées et même de la prison cette année, un travail de sensibilisation à la bande dessinée. Alors c'est des approches qui sont très variables, hein. Ça peut être un travail sur la bande dessinée, ça peut être un travail d'élaboration de bande dessinée, un travail de plusieurs semaines parfois, comme en prison c'est un travail sur plusieurs mois même, ou parfois quelques heures passées en compagnie d'élèves. Donc là c'est une partie qui nous paraît super super intéressante avec laquelle on ne veut pas lâcher parce que ce public-là qui va acheter des livres, si on ne l'éduque pas à un moment donné, éduquer c'est peut-être un bien grand mot, hein, je pèse mes mots, mais si on ne lui montre pas qu'est-ce que c'est que la bande dessinée et qu'est-ce que c'est que autre chose que Astérix, Tintin, tout ce qu'il peut trouver finalement chez lui, par le biais de ses oncles, ses parents et tout ça, si on ne lui montre pas qu'est-ce que c'est que cette manière de raconter des histoires en images et en dessin, eh ben, il n'achètera pas de bande dessinée derrière. Donc, finalement, on se scierait un petit peu la branche sous les fesses. Donc, en faisant tout ce travail d'accompagnement, pédagogique, finalement, autour de la bande dessinée, on se rend compte que c'est super intéressant. Et puis, d'une autre manière, je veux dire, je ne vais pas cacher les choses, c'est aussi un moyen de faire connaître Georgie. Alors, au niveau du travail fait par Michel Jacquet, quel est son statut exact au niveau de l'édition? Vous êtes en loi 1901, c'est ça? Alors, en fait, Georgie a été fondée par trois personnes, donc Michel Jacquet, Alain Brèche-Bulle et moi-même, Serge Prudhomme. On a tous les trois le même statut, mais au fur et à mesure de nos affinités électives par rapport à l'édition, on a un peu séquencé les travaux. C'est-à-dire que Alain Brèche-Bulle s'occupe plutôt de la partie graphisme, donc l'élaboration des livres pour l'impression, les logos, la manière dont le livre va être conçu finalement. Michel et moi, on s'occupe plutôt de la diffusion. Et au sein même de ce pôle-là, je dirais que les dernières années, j'ai tendance à plutôt m'orienter vers les auteurs. Et Michel, plus sur la diffusion et ce travail auprès des écoles et tout ça. Mais il n'y a pas de statut particulier au sein de l'association qui nous différencie. Voilà, c'est plus nos affinités personnelles et notre manière de concevoir les choses et ce que l'on est finalement. Alors à ce stade-là, on pourrait peut-être discuter de la relation que vous avez avec les auteurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'autres structures éditoriales, en tout cas indépendantes, hors grosses maisons. Par exemple, le statut de l'auteur au sein d'un éditeur comme Georgie, qu'est-ce que c'est? Quel pourcentage de retour sur les ventes qu'il peut avoir? Est-ce qu'il y a un contrat signé, ce genre de choses? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça revient un petit peu à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que nous, on a souhaité faire des choses à la fois pour les auteurs et pour les deux parties de la chaîne. Donc il était hors de question pour nous de publier des gens sans les payer, et en les payant le mieux possible, sachant que quand on tire un bouquin à 500 exemplaires, de toute façon, la somme, au bout du compte, elle n'est pas énorme. Donc, la seule chose sur laquelle on n'a pour l'instant pas évolué, mais qui est compliquée pour nous d'évoluer, c'est l'avaloir. Donc, on ne donne pas d'avaloir aux auteurs, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le livre par avance sur les ventes qui vont être faites, mais on paye en pourcentage sur les ventes. Et ce pourcentage est assez élevé par rapport aux autres maisons d'édition. Je peux d'autant plus en parler que je suis auteur dans d'autres maisons d'édition. Ce pourcentage est de 10% pour un auteur tout seul et de 14% pour deux auteurs, donc 7 et 7. Voilà, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour les payer décemment, même si on sait très bien que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a un contrat? Bien sûr qu'il y a un contrat signé qui porte sur les droits du livre et les droits du visuel. C'est un contrat classique d'édition. Super. Alors, on pourrait peut-être axer un petit peu sur la collection justement BN, qui est une collection particulière qu'on vous présente sur la table, là, le stand Georgie est donc au fond là-bas. Donc la collection BN, c'est une petite collection carrée que vous voyez sur la table en train d'être présentée. Serge va nous en parler pour nous dire ce qu'elle a de spécifique. Alors BN est né un petit peu de la frustration de ne pas pouvoir. BN est né, je disais, de la frustration de ne pas pouvoir publier tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait. Le fait d'avoir une maison d'édition dans une ville comme Saint-Étienne faisait que les gens s'aggloméraient autour de nous, venaient à nous facilement, venaient discuter de bande dessinée, venaient nous montrer leurs travaux. il y avait des choses super intéressantes, mais on était obligé de leur dire, ben non, pour nous c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de moyens, pas assez de... Voilà, on peut pas publier tout le monde. Et puis un jour, chaque année, en fin d'année, on fait une petite journée Jargy à l'étranger des Bois à Saint-Etienne, où on paye à manger aux gens, enfin on paye un petit apéro, des choses à boire, on fait une séance de dédicaces. Et avec Michel, on s'était dit, ça pourrait être sympa de leur donner quelque chose pour une fois, puisqu'ils viennent acheter nos livres tout le temps, ces gens qui nous suivent depuis le début. Donc on a fabriqué de manière très artisanale un premier BN, un petit bouquin de 14 pages. Ça a eu beaucoup de succès, et on s'est dit, mais l'idée c'est ça, voilà, avec un petit livre, facile à fabriquer, qui ne coûterait pas cher, en imposant une idée, puisque l'idée de la collection BN, c'est des histoires qui tournent autour de l'enfance, on pourrait demander aux auteurs qui nous plaisent, et démarcher des auteurs, en leur proposant de faire une histoire. On est parti sur une publication qui est trimestrielle, qui est de 4 par trimestre. Donc les premiers ont été publiés en octobre 2009, et on a tenu le coup là jusqu'à présent, parce qu'il y en a 12, dont 2 qui sont épuisés. C'est un tirage de 500 exemplaires, donc on va rééditer en juin les 2 épuisés, plus 2 nouveaux, etc., etc. C'est vraiment, on est vraiment très content de cette collection, et justement sur cette collection, il y a aussi une chose à dire qui est importante, c'est que on a pour une fois un pourcentage qui fait que c'est l'auteur qui gagne le plus d'argent. C'est pas l'éditeur ni le libraire. Et ça nous paraît très important en fait, parce que qui fait les livres, quelle personne fait les livres, si ce n'est les auteurs. Donc c'est important qu'eux soient payés correctement. Bien, bon bah écoutez, je crois qu'on, à moins qu'il y ait des choses que tu penses à rajouter, vu le petit brouhaha dans la salle, je crois que c'est pas la peine de trop insister. On vous remercie d'avoir quand même, pour certaines personnes, bien écouté ce qu'on disait. Vous retrouverez le stand des éditions Jargy un peu plus loin. Et puis, ma foi, si cette petite collection BN carré vous interpelle, à petit prix et pour découvrir plein de nouveaux auteurs, ben, on vous invite à aller rejoindre le stand Jargy. Voilà, en vous rappelant qu'à 16h, il y a donc une vente aux enchères pour les 3 planches de bande dessinée originale qui ont été faites depuis hier par l'ensemble des auteurs de Bulanco-Troanès, signées par l'intégralité des auteurs. Ce ne sont pas les planches qui sont devant la scène, mais les planches qui sont devant, là, sur l'endroit où les personnes dédicacent. C'est un projet unique qui a été improvisé hier sur un scénario de Christian Chavassieux et une musique God Owns the Parasites, en musique, fini aujourd'hui, et qui sera vendu au profit de l'association FCPE organisatrice. À ce sujet, en bas, il y a un stand de l'association et d'autres bouquinistes. Donc on vous invite à descendre aussi pour chiner. Merci de votre attention et bonne fin de festival. Merci Serge. Merci bien Franck. C'est bien. J'ai enregistré, je pense que ça devrait. Ouais, ça soufflait un peu.